Chapitre 12. Visite du clergé à la Noyonne. Présent et cérémonie. Repas. Péché mignon d'un moine lamaïte. Le clergé est une puissance chez les Kalmouks. Sincère ou non dans sa piété, le Noyonne d'un Oulous doit, par politique, être au mieux avec les ecclésiastiques établis sur ses terres. En vue de la Stavka Maloderbet, se trouve une soumet. Ce temple isolé ressemble à un petit château de plaisance parfaitement carré. Chaque façade en est percée de 4 fenêtres à volets verts peints d'ornements rouges et jaunes. Une galerie avec balcon forme un étage supérieur. La toiture penchée est surmontée d'une tourelle portant l'emblème religieux des Lamaïtes. Une boule et un croissant. Un double perron de 5 marches en bois conduit à l'entrée. Note. À 50 verstes d'Astrakhan, à Gouchoud, se trouve une pagode rappelant en miniature l'architecture de l'église de Kazan à Saint-Pétersbourg. Elle est la seule dans son genre. En hiver, les prêtres résident dans des habitations qui en dépendent. Fin de note. Les Gelung qui, en été, sont établis sous des tentes à 12 verstes de là, y célèbrent pendant l'hiver le service divin. Note. Les cendres d'un théologien fort vénéré sont conservées non loin de cette soumet, dans une masure carrée à tourelles entourée d'une grille. Fin de note. Leur séminaire est surnommé Basha Gurul, petit temple, pour le distinguer des deux autres plus grands situés dans l'Oulous. À chaque déménagement, tous les attributs du gouroul, images, etc. sont transportés et l'édifice reste vide pendant l'été que les moines passent sous des guerres. Le défunt Noyonne avait eu l'intention de fonder une colonie en ce lieu où l'on voit presque autant de maisonnettes en terre glaise que de tentes dans la plaine. Mais les chaleurs firent déserter ses habitations et cette tentative, en vue d'une demeure fixe, ne réussit qu'à moitié. Il est d'usage que le clergé, comme les laïcs, viennent rendre hommage au Noyonne lorsqu'il visite son Oulous. Aussi, le second jour de son arrivée, la Noyonne reçut l'avis que le supérieur, Gebka, 2 théologiens, Bakcha, et 2 moines, Gelung, du séminaire voisin, arrivaient pour lui présenter leur respect. Elle s'apprêta à les recevoir avec tout le cérémonial prescrit. Un piétinement de chevaux les annonça, et bientôt ils entrèrent dans l'appartement où elle les attendait avec la même toilette et la même étiquette que le jour précédent. Les 4 moines entrèrent, leur chef en tête. La Noyonne salua celui-ci en se levant. Il s'accroupit alors sur le tapis étendu à sa droite. Elle s'assit à son tour et les 3 autres prêtres suivirent son exemple en silence. Tous les 4 portaient un long caftan en coton rouge très ample, croisé sur la poitrine, par-dessus un gilet de même couleur. Le chef était coiffé d'un chapeau en calicot jaune, couleur sacrée, à bord étroit et à fond plat et large, orné en haut d'une houppe écarlate. Les autres avaient un bonnet rond jaune, à bordure rouge. Ils portaient au cou, en guise d'amulette, des images d'idoles ou des versets sacrés et à leur ceinture, une petite fiole en cuivre retenue par une lanière de cuir. Ce flacon contient de l'eau bénite dont ils boivent une gorgée et se rincent la bouche avant de réciter leur prière. Purification prescrite. Ils étaient escortés d'une douzaine de jeunes élèves vêtus de tuniques rouges ayant la tête nue ou coiffés de bonnets écarlates ou jaunes. Plusieurs laïcs les accompagnaient portant soit un agneau bouilli découpé dans un grand baquet en bois, soit une carafe en cuir contenant de l'arca, des cruches de koumis et de thé. Il déposait silencieusement ses présents, puis s'accroupissait contre le mur sans se découvrir. Une cinquantaine de personnes les suivaient, parmi lesquelles des femmes. Le spectacle était d'un caractère vraiment étrange. Deux des principaux personnages avaient une physionomie fine et de longues moustaches à la chinoise, double rareté dans leur race. Ils portaient les cheveux ras. Après quelques instants de conversation, l'anoyon offrit une écuelle de koumis au chef, qui, avant d'en boire, dit à voix haute une prière à laquelle les assistants répondirent en chœur. Alors un laïc s'accroupit devant le baquet de viande, prit son couteau, coupa la tête du mouton et quelques autres fragments qu'il mit devant l'autel comme sacrifice aux dieux. Puis versant de l'arca dans un vase, il le présenta à l'anoyon, qui y trempa ses lèvres et le lui rendit. À son tour, il l'offrit aux autres ecclésiastiques. Ensuite, la jatte fit le tour de l'assemblée, remplie au fur et à mesure qu'elle se vidait. Puis elle revint au chef, qui, après une prière dite en se touchant le front, signe exclusif aux hommes, la vida d'un trait pour remercier les dieux. À tour de rôle, chacun répéta le même acte de grâce. Ensuite, la distribution du mouton commença. Les assistants étendirent sur les genoux leurs mouchoirs de poche à plusieurs usages et dans cette assiette portative mangèrent avec les doigts et leurs couteaux, laissant les restes par terre. L'anoyon leur faisait verser de l'arca qu'ils buvaient après la prière et le signe sur le front. Le repas achevé, le baquet fut emporté. Parmi les morceaux choisis, déposés à côté d'elle, l'anoyon offrit au clergé la part du lion, prit la sienne et donna le reste à une vieille pauvresse. Alors tous se retirèrent. Seuls les quatre ecclésiastiques, immobiles, enveloppés dans leur ample soutane, semblables à des magots mongols, avaient bien l'air de prouver en effet que le repos éternel de l'âme se trouve dans le nihilisme absolu. Cette muette extase dura une heure environ, après quoi trois des contemplateurs sortirent aussi silencieux qu'ils étaient entrés. Leur chef resta seul avec la nouillonne. Aussitôt, leur contenance à tous les deux changea. Tout cérémonial et gravité disparurent. Ils engagèrent une conversation badine qui devait bien les amuser, car ils riaient aux éclats. La suivante apporta une bouteille de bon vin d'Astrakhan, des cigares et des cigarettes, auxquels firent amplement honneur la noble dame et son pieux compagnon. Note. D'après les préceptes du bouddhisme, le clergé doit vivre dans la plus parfaite abstinence. Fin de note. C'était un continuel échange de courtes phrases entremêlées d'exclamations joyeuses. Le contraste de ce sans-gêne avec la sévérité que j'avais remarquée était fait pour me surprendre étrangement. Cigares et cigarettes se succédaient, ainsi que les bouteilles, et qui sait jusqu'où l'on serait allé si la rentrée dans l'appartement des trois religieux n'eût arrêté leur chef dans sa ferveur de péché mignon. Le teint animé, les yeux brillants du Kebka, pris en flagrant délit, révélèrent sans doute au Gelung que leur chef avait violé l'abstinence prescrite. Mais lui, avec le cérémonial exigé, se leva aussitôt, comme l'anoyon, et l'entrevue prit ainsi fin. En quittant ma compagne, le pieux Gebka eut assez d'emprise sur lui-même pour reprendre sa physionomie sérieuse, et les quatre moines s'éloignèrent avec la même gravité qui avait présidé à leur apparition. Plusieurs jours pareils se passèrent encore à la Stavka. du matin au soir, des visiteurs apportaient leurs offrandes et les deux autres monastères de Loulous envoyèrent, comme le premier, leur pieuse ambassade reçue avec autant de solennité et non moins abondamment réconfortée. Le peu de rigorisme de ces moines kalmouks n'est-il pas significatif? Le bouddhisme ne serait peut-être pas professé comme il est dans le Cachemire, le Népal, le Tibet, en Tatarie, en Kalmoukie, en Mongolie, en Chine, au Japon, dans le royaume d'Annam, dans la Birmanie, à l'île de Ceylan, etc., si ses adeptes avaient dû observer la sévérité voulue et pratiquée si absolument par Bouddha lui-même. Fin du chapitre 12.